Section 61 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 61. Maxime de la vie, par Comtesse Diane. Comment osons-nous juger les autres ? Quand nous sentons si bien tout ce qui leur manque pour nous juger. Si un homme qui tombe veut se relever, qu'il se hâte de saisir la main que tout le monde lui tend dans le premier moment. Plus tard, tout le monde aura passé son chemin. L'être le plus aimé est celui par qui on aura le plus souffert, puisqu'on est sensible à tout ce qui lui arrive et à tout ce qui vient de lui. L'honneur est une religion que tout le monde croit pratiquer, parce que chacun la pratique à sa manière. En réalité, c'est le culte de soi. Jeune, on est difficile en bonheur. Plus tard, on devient moins exigeant, parce qu'on connaît la cruauté de la vie. Il y a de l'audace à tenter de rendre heureux celui qui n'a pas encore souffert. Le mensonge est avilissant. Tous, nous voudrions pouvoir dire que nous n'avons jamais menti. Mais dire cela, ce serait mentir. Ce sont les fortes raisons qui déterminent les résolutions que nous prenons à l'avance. Ce sont les petites raisons qui nous arrêtent au moment de les exécuter. De loin, tout le monde a envie de faire un beau voyage. Et à l'heure du départ, plus d'un n'est arrêté par la crainte de la cuisine ou des lits d'auberge. Fin de la section 61, lue par Margot.